Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire à Québec, le visage architectural de la ville. Un Français qui arrive ici ne se reconnaît pas dans une ville française. Un Britannique qui arrive ici est tout à fait surpris. Et un Américain s'y reconnaît pas plus non plus. Et le caractère unique de Québec vient du fait que c'est une ville qui est ni française, ni anglaise, ni américaine, mais qui est originale en ayant fait une synthèse. L'historien de l'architecture Luc Nopen, à l'émission « J'ai souvenir encore » en novembre 1998, comment définir Québec sur le plan architectural? Quelle empreinte a laissé l'histoire sur le visage de la ville? Profitant de notre passage cette semaine au Musée national des beaux-arts du Québec, on a pensé inviter pour répondre à ces questions l'un des architectes les plus étroitement associés à la ville, l'architecte Pierre Thibault. Pierre Thibault, avec qui on va faire aujourd'hui une promenade architecturale dans la ville. Question de voir comment Québec va se transformer au fil du temps. Ce côté vieille France, mais aussi tout ce côté vieille Angleterre. Parce que souvent, à Québec, on insiste beaucoup que Québec, c'est le berceau de la Nouvelle-France, le berceau de l'Amérique française. Mais on oublie aussi que tout ce côté, Québec est aussi le berceau de l'Amérique britannique au Canada. On oublie souvent tout ce côté britannique et qui donne, c'est ce qui donne le côté pittoresque, si pittoresque au Vieux-Québec. C'est un mélange de vieille France et de vieille Angleterre. Et la plupart des maisons du Vieux-Québec datent des années 1820, 1830, 1840. Ils ont été construites par les conquérants anglais. Et donc, ils ont donné un côté britannique à cette ville qui est venu se superposer au côté français, ce qui en fait une ville unique. Et parfois, il y en a qui vont comparer Québec à Saint-Malo, en France. Et puis là, ils se promènent en Bretagne, puis en Normandie, puis ils tentent de trouver une ville qui ressemble à la ville de Québec. Mais ils n'en trouvent pas. Et on ne peut pas en trouver non plus. Parce que Québec, c'est un mélange de français, d'anglais, d'écossais. Donc, on ne peut pas retrouver l'équivalent. On peut retrouver... Et ce qui fait que donc on trouve des ressemblances un tout petit peu quand on va à Saint-Malo, mais on en retrouve aussi lorsqu'on va à Bristol, en Angleterre. C'est parce que Québec, c'est une fusion. Et c'est ce qui fait la beauté de Québec. L'historien Jean-Marie Lebel à l'émission « Au cœur du monde » en décembre 2001 pour nous parler de l'architecture de Québec, de ce qui la distingue, la manière dont elle va évoluer, cette architecture au fil du temps. Je reçois l'architecte Pierre Thibault de l'atelier Pierre Thibault, également professeur d'architecture à l'Université Laval. Pierre Thibault, bonjour. Bonjour. Commençons par là. Je me souviens aussi, donc, ce qu'on vient d'entendre nous dit qu'on est dans une zone grise, il y a un flou, c'est une fusion probablement sur le plan architectural, cette ville-là. Vous vous souvenez peut-être de cet article en 2007 de mémoire dans l'actualité qui disait « Québec, ville britannique », c'était le titre de mémoire. Commençons donc par là, elle est plutôt française ou elle est plutôt britannique, cette ville? Bien, en fait, elle a été française, mais elle a été britannique ensuite. Mais on ne réalise pas à quel point c'était important la présence britannique. Et parce que si on regarde la Nouvelle-France, il y avait quand même peu d'habitants à Québec. Québec, on le dit, dans, justement, c'est les principales constructions sont au 19e siècle. Et au 19e siècle, Québec est pratiquement une ville anglaise. Là, hein? On parle de 50 000 habitants dans la ville de Québec. Et c'est là qu'il y a eu une emprise extrêmement importante. Et il y a eu le blocus continental qui a fait en sorte que le bois qui était au Québec, en fait, a dû aller vers l'Angleterre. Donc, il y a eu des échanges comme jamais par rapport à la Nouvelle-France. On parle autour de 1850 qu'il y avait environ 1500 navires. Oui, je donne un exemple, là. Puis la navigation était 7 mois par année, 1500 navires. Comme je disais, il y avait à peu près 50 000 habitants. Il venait jusqu'à 25 000 marins. Oui. Alors, donc, pendant l'Empire britannique, à cause de ça, ça a eu une influence énorme sur la ville de Québec. Les échanges entre l'Angleterre et le Québec étaient incroyables. Et ce qui reste du Québec qu'on voit aujourd'hui, dans lequel on vit aujourd'hui, c'est, si je vous suis bien, davantage ce Québec britannique que le Québec français. Oui, mais effectivement, il y a eu plus de construction pendant la période britannique. Alors, c'est pour ça que je dis cette présence-là était, puis les Anglais étaient très bien organisés, mais c'est aussi la force. Québec était à ce moment-là, a été pour les Français la capitale, mais aussi pour l'Empire britannique. Québec a été pendant cette période-là la capitale là, de tout l'Empire. Puis on y reviendra, mais quelqu'un comme Dufresne, qui est un incontournable, mais les murs de Québec, les portes telles qu'on les voit aujourd'hui, c'est les Anglais qui vont les construire. Bien, en fait, c'est sûr qu'on a eu cette fortification-là qui était sous un plan, bien sûr, de l'ingénieur français, là. Mais les Britanniques ont dû la poursuivre parce qu'il y a eu les Américains encore ont essayé à la fin du 18e puis de revenir sur Québec. Donc, on a eu deux périodes. On a continué la fortification de Québec et à la fin du 19e siècle avec Charles Baillarger. Et on a réouvert d'une certaine façon parce que les portes ne permettaient pas, c'était des petites ouvertures. Oui. Donc, on a voulu, à ce moment-là, à la fin, de redonner, ouvrir Québec parce que le Parlement était au-delà des murs. Oui. On a développé les plaines d'Abraham, ces grands parcs-là. Donc, mais les fortifications, on les a un peu aussi modifiées, là. Oui. Mais elles donnent ce côté pittoresque. Vous nous parlez de l'architecture anglaise. Et bien sûr, elle est associée aussi au paysage. Là, pour c'est moi, très important. En franchissant la porte hier, St. John's Gate. Hein, oui. C'est... Mais on imagine, il y avait le régiment britannique aussi. C'était énormément de soldats qui étaient sur Québec. Oui. Après 1800, au moment de la Confédération, au Québec a décliné énormément parce que tout le commerce du bois qui engageait des milliers de personnes, tous les chantiers... les chantiers navaux qui étaient autour de Québec, même dans Saint-Roch, c'était incroyable. Et on construisait beaucoup là, à ce moment-là. Vous nous proposez une balade dans Québec aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu trois ateliers dans cette ville, Pierre Thibault. Donc, on va suivre un peu votre parcours. Puis ce qui est aussi fabuleux, c'est qu'en suivant votre parcours, on va, le hasard fait bien les choses, suivre un peu l'évolution de l'architecture à Québec. Parce que votre premier atelier, il est dans la base ville, là où tout a commencé, là où on a reconstruit la place royale. Parlez-nous de ça, de vos premières amours, de cet endroit où était votre premier atelier, mais de ce que c'était ce quartier-là sur le plan architectural, de ce qui en reste aussi. Bien, en fait, il y a eu plusieurs éléments. Moi, j'étais sur la rue Saint-Pierre. Mon atelier était sur la rue Saint-Pierre, donc c'était l'endroit des banques, hein, tout... Comme c'était un endroit de commerce, vous imaginez, les navires et tout, il y avait le beau bâtiment néoclassique des douanes, tous ces bateaux-là, et il y avait la rue des banques. Alors, j'habitais dans une banque qui est un bâtiment de la fin du 19e siècle, néoclassique, en pierre. Vraiment, quand on regarde cette rue-là, on dit, mon Dieu, c'est incroyable. Il y avait quand même de la richesse, on sent, à Québec. Il y a des artisans qui travaillaient de façon incroyable. Alors, ce qui était étonnant, par une des fenêtres, j'avais aussi la vue sur le fleuve Saint-Laurent, et par l'autre, mon bureau était en coin, le château Frontenac qui était là. Donc, c'est quand même, j'avais des amis architectes qui venaient me voir, puis ils disent, mon Dieu, il y avait de la difficulté. On a toujours, effectivement, est-ce qu'on est à Vienne, est-ce qu'on est à Saint-Malo, est-ce que ça, il y a des inspirations qui viennent de partout, qui sont magnifiques, mais des bâtiments de pierre d'une grande, grande qualité. Puis, bien, on était à côté aussi de Place Royale, qui a eu toutes sortes de tribulations. On a reconstruit une certaine époque. Vous en pensez quoi? Parce qu'il en reste très peu du patrimoine bâti, du tout début de Québec. Effectivement. Place Royale, il y a des gens qui ont dit que c'est une espèce de Disney. Ça a été complètement refait. Vous en pensez quoi de ça? Bien, écoutez, c'est là où on voit qu'une société évolue. Hein. À un certain moment donné, on a privilégié la présence française quand on a reconstruit Place Royale. Moi, je suis pas favorable tellement à ça. Je pense qu'une ville évolue, puis on doit laisser les traces des différentes époques en comprenant donc cette idée de revenir à une image aussi idéalisée. Hein. Donc, à ce moment-là, c'est toujours un peu romancé. Je pense que c'était probablement pas la bonne solution. Bon, ben, c'est fait maintenant. Mais je pense que l'idée quand même de la Place Royale demeure. Ça, je pense que c'était une place importante à Québec avec son église. Et de comprendre l'échelle et la proximité, là, je veux dire, du fleuve. Là, on dit, c'est ça qu'on voit. On dit, imaginez sur la Place Royale le monde qu'il y avait là. Aujourd'hui, c'est des touristes, mais à ce moment-là, c'était des marins, des commerçants. Il y avait le marché Finlay, la halle qui n'était pas loin. Après ça, les halles Champlain. C'était effervescent. Les gens arrivaient en bateau pour vendre leurs produits. Et Québec était un lieu d'une effervescence. Là. Si on pouvait avoir des images aujourd'hui, on serait étonnés. On poursuit notre balade. Votre deuxième adresse, on s'éloigne un peu trop du fleuve parce que vous parliez vous-même des grands chantiers maritimes qu'il y a eu puis de tout ce quartier très industriel qui a été Saint-Roch. On va se diriger justement vers ce quartier Saint-Roch où vous avez eu votre deuxième atelier. Donc, très, très vieux quartier également. Lucica Morissette, qui est professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal, décrit un petit peu l'évolution de ce quartier-là, de la rue Saint-Joseph en particulier, mais plus que ça, de ce qu'a représenté à un moment donné Saint-Roch dans cette ville de Québec. Extrait du documentaire « J'ai souvenir encore » qui a été réalisé en juin 2000. Bon, d'abord, il faut dire que l'histoire de Saint-Roch n'a pas toujours été malheureuse. Et quand la nord-américanité est arrivée à Québec, c'est là qu'elle s'est installée. Quand on a eu besoin de grands terrains pour faire de très grands magasins, évidemment, c'est pas dans le Vieux-Québec que ça pouvait se trouver. Donc, la nord-américanité s'est implantée là avec beaucoup de gloire et c'est comme ça qu'est arrivée cette dénomination dont vous parliez de la Broadway de Québec. À la même époque où à la Haute-Ville, on parle de la Grande Allée, comme les Champs-Élysées de Québec, d'ailleurs. Donc, il y a une nord-américanité très prospère qui s'installe là avec des marchands qui sont très prospères. Et évidemment, les anciens marchands de la Haute-Ville voient d'un assez mauvais œil cette prospérité qui s'établit en dehors de leur contrôle. On commence alors une autre campagne de diffamation et là se trouvent à Saint-Roch des Juifs, des Chinois par exemple, enfin bref, des étrangers. Et c'est une campagne de xénophobie et d'antisémitisme qui va finalement avoir raison de la prospérité de Saint-Roch. On va remplacer le quartier juif par une partie de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix et par l'autoroute du Frey et le quartier chinois par l'emprise de l'autoroute de la Falaise. Ah, parlez-moi, Pierre Thibault, de ce qu'il représente dans Québec, ce quartier de Saint-Roch. On parlait d'américanité, là, la Broadway de Québec, la rue Saint-Joseph. On pourra revenir peut-être sur cette comparaison dans un instant entre Grande Allée et la rue Saint-Joseph. Mais au-delà de ça, oui, probablement américanité, parce que c'est l'industrialisation dont vous parliez. Mais racontez-moi un peu ce que nous dit ce visage architectural de la vie qu'il y avait dans Saint-Roch. Bien, en fait, si on parle d'américanité, c'est vrai que toute la rue Saint-Joseph, les grands magasins sont allés s'installer là, mais il y avait eu des marchands aussi avant. Puis il y a une époque dont on ne parle pas, c'est qu'à un moment donné, moi, il y a eu une pression. Moi, je pense que le fait de déclin de Saint-Roch est venu par la création des centres commerciaux. Ouais. En banlieue. Donc, les grands magasins, je me rappelle enfant d'Italie, là, ça s'appelait Paquette, le Syndicat. Donc, il y avait des magasins comme ça à Québec. C'était les grands magasins. Mais là, tout d'un coup, Place Fleur-de-Lys, Place Laurier. Ouais. Et à ce moment-là, on a voulu même plutôt imiter les centres d'achat. Et on a couvert, des gens ici, j'imagine, ont connu ça, le Maille-Saint-Roch. Ouais. Donc, on avait couvert complètement la rue Saint-Joseph. Pour c'est une mode. Ça a été fait à Montréal, la rue Saint-Hubert, la Plaza Saint-Hubert. On a fait ça a été fait dans les années 70. C'est M. Lallier qui a incité, en fait, à démolir. On l'a fait de façon de section. Et ce qui est étonnant, dans l'atelier que j'ai eu sur la rue Saint-Joseph, c'est un bâtiment qui a été abandonné pendant 20 ans parce que le toit du Maille-Saint-Roch était à l'étage et l'immeuble n'avait pas du tout de fenêtre de l'autre côté. Donc, ça se trouvait un immeuble qui n'avait plus de fenêtre. Donc, l'atelier que j'ai eu pendant plusieurs années avait été complètement abandonné. Donc, on voit les structures rouillées, puis c'est un bâtiment de 1960. Donc, c'était comme une espèce de ruine ouais. récente. Donc, je dirais, l'effervescence de Saint-Roch s'est terminée un peu là, à la fin des années 60 avec l'arrivée des centres commerciaux puis l'explosion démographique de Québec, là, hors les murs. Là. Et ça se compare comment, Saint-Roch, à ce dont on vient de parler, à la basse ville, à ce Québec du début? Là? Bien, ce qui est intéressant, ça a été les chantiers navaux qui ont été là parce qu'à une certaine époque, c'est devenu industriel. On a la Dominion Corset qui était ouais. là. Donc, on avait l'artère... où le cinéma, les salles de spectacle, donc on peut imaginer, là, et encore aujourd'hui, on peut percevoir, et il y a un grand éclectisme au niveau de l'architecture. Oui. Là, c'est très, donc on a les grandes églises, on a des bâtiments néoclassiques, mais on en a d'autres, comme le mien, qui était tout à fait moderniste, avec un mur rideau. Alors, ça demeure, et c'est ça que je trouve intéressant de la rue Saint-Joseph, on voit un peu toutes les époques, et maintenant, on l'a redécouverte oui. Avec la toiture, donc c'est un nouveau animé, ça, je pense oui. que c'est important pour Québec. Et pour poursuivre sur la Broadway, le côté américain de la rue Saint-Joseph, Grande Allée, c'était pour vous un peu ça, les Champs-Élysées? On évoquait cette image dans l'extrait qu'on entendait. Bien, je pense que oui. On oui. peut comprendre qu'à la sortie des murs, on avait cette grande artère, au départ avec des trottoirs de bois, le Parlement qui est là. On avait planté des grands arbres, puis aussi les plaines d'Abraham. Donc, il y a quelque chose de majestueux. Là. Ouais. C'est le grand axe qui sort de la vieille ville. Une percée. Une grande percée. Ouais. Ensuite, qui longe les plaines d'Abraham et qui permet, à un certain moment donné, d'aller rejoindre les grandes résidences de Thierry. On sait que celui qui représentait le roi d'Angleterre a dû quitter la vieille ville parce que le château avait brûlé au début, au milieu là, du 19e siècle. Donc, il est allé s'installer au Bois de Coulonges. Ouais. Alors, la Grande Allée menait jusqu'à cette immense propriété qui est aujourd'hui le Bois de Coulonges. Donc, ces gens-là, on voit, au 19e siècle, vivaient dans des conditions... Ouais, ouais. Hein, c'était les serres chauffées, c'était les grands parterres. Des domaines. C'était des domaines, des grandes percées encore sur le fleuve, les kiosques et tout ça. Alors, donc, on voit les grands marchands de bois, parce que c'est incroyable, l'effervescence à Québec, avaient toutes leurs villas le long de la falaise avec le représentant du roi. Donc, alors, Québec, c'est pour ça, il y avait une certaine, je dirais, majesté dans tout ce déploiement-là. Et on en a parlé tantôt, il y a eu tout au long du 19e siècle la dynastie des Baillargeais, des grands architectes, ingénieurs qui ont façonné Québec. Là, c'est incroyable d'avoir... Il n'y a pas eu d'équivalent par la suite de transformation. Une telle signature d'une même famille dans le patrimoine bâti. Charles Baillargeais était, je pense, pendant 33 ans, l'architecte ingénieur de la ville de Québec, je dirais de 1866 peut-être à 1899. Donc, c'est incroyable. La terrasse du Frein, l'Université Laval. Alors, donc, c'est des ouvertures dans les fortifications. Ouais. C'est incroyable. Venons-en à votre, l'endroit où vous êtes situé actuellement, votre troisième adresse à Québec, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça nous dit, ce quartier-là, encore une fois, sur l'histoire de Québec, sur l'architecture de Québec? Bien, en fait, c'était un faubourg. Hein? Donc, c'était un faubourg de Québec. Donc, les ouvriers habitaient là. C'était plutôt des petites maisons de briques. Il y avait la rue Saint-Jean qui était quand même l'artère commerciale, mais autour, c'était quand même relativement modeste. Ce qui est quand même incroyable, c'est que mon atelier est dans la côte, donc il y a un dénivelé incroyable, ce qui faisait que les gens, quand même, dans Saint-Jean-Baptiste, avaient, par rapport à d'autres faubourgs, si je compare avec Saint-Roch, qui n'avait pas de vue du tout, une vue sur les Laurentides et sur toute la basse-ville. Donc, le dénivelé est important, mais ça fait que des constructions un peu complexes. Là, hein? Donc, on rentre à un niveau. Moi, par exemple, je suis sur la rue Saint-Jean, mais je n'ai pas de... à cause du dénivelé, bien, j'ai la falaise de l'autre côté. Alors, ça prenait quand même des gens qui étaient, je dirais, ingénieux là, pour réussir à construire dans des conditions comme ça. Mais ça donne tout le cachet, le côté intéressant encore là. Quartier plus commerçant, plus résidentiel. Oui, bien, en fait, oui, c'était, c'était relativement modeste. Hein, la plupart des c'était un faubourg. Il y avait l'artère commerciale où on avait aussi souvent le commerce au rez-de-chaussée, puis les gens habitaient à l'étage. Hein. Ouais. Donc, ça grouillait quand même. Et ce qui est intéressant, bien, on a eu sur la rue Saint-Jean bien, les premiers tramways. Là. Oui. On n'a pas ça encore à Québec, mais il y avait ça au milieu du 19e siècle. Là, vers la fin, c'était des tramways d'abord tirés par des chevaux, puis ensuite, bien, on a réussi. Même des tramways électriques qui allaient jusqu'à ce qu'on appelle la jonction aujourd'hui, c'est-à-dire à des érables, on changeait. Là, donc, alors, c'était quand même une artère commerciale qui encore, je dirais, on avait, comme on disait tantôt, nos Champs-Élysées, et le commerce, si on veut, passait de la rue Saint-Jean dans les murs à la rue Saint-Jean hors les murs. Donc, c'était là que se faisait, je dirais, le commerce. On ne peut pas faire une émission, évidemment, sur l'architecture à Québec. Vous l'avez évoqué, vous la voyez, la silhouette du château Frontenac de l'une de vos adresses, mais c'est un incontournable, le château Frontenac. Je vous propose d'abord d'écouter Robert Lepage, qui nous parle de son château Frontenac dans le documentaire « La vie de château », réalisé par Catherine Lemercier en 2016. On a un terrain de jeu extraordinaire à Québec, surtout dans les années 60. On fait nos jeux d'enfants, on a les plaines d'Abraham, on a la citadelle, on a le fleuve. Et au milieu de tout ça, il y a cette espèce d'architecture presque de Prague, une espèce de château qui trône au milieu de tout ça. C'est un petit peu comme le château de Walt Disney, d'une certaine façon, quand on est petit. C'est un objet de fabulation. C'est un lieu de société, de rapport de classe, de tout ça, ça raconte beaucoup de choses, le château Frontenac. Moi, j'avais une tante qui venait au salon de thé. Elle avait marié un avocat de la Haute-Ville ça donnait ce rituel-là. Ils allaient magasiner chez Burke's. Ils s'achetaient de la fourrure, puis ils venaient prendre le thé. Surtout dans les années 60, le high tea, qui était une tradition britannique. Très peu de Britanniques et très peu de dames de la Grande Allée, mais beaucoup, beaucoup de dames de Sainte-Foy, tout à coup, ça donnait à ce plaisir-là avec les scones, puis des petits sandwichs au concombre, le thé d'Argelé. Ça reste le château Frontenac, aujourd'hui encore, l'édifice emblématique de Québec, Pierre Thibault. Que dire de ce bâtiment-là? C'est pas unique, en fait. Le style château, ça, il l'incarne parfaitement. Il y en aura pas mal d'édifices de style château à Québec, puis un peu partout dans d'autres villes canadiennes. Oui, effectivement, la chaîne hôtelière qui avait ça a fait ensuite, par la suite, là, on peut penser au Lac Louise ou enfin d'autres à Ottawa. Et bon, c'était un peu le... C'était la mode. C'était la mode. C'était, comment on dit, là, c'est ça, l'éclectisme permettait, on retrouvait au château de la Loire. Donc, ça inspirait bien gros les architectes à l'époque. Et alors, moi, je me dis, au niveau architectural, pour moi, c'est pas un projet, je dirais, exemplaire, mais c'est important quand même dans une ville d'avoir quelque chose d'emblématique. Alors, moi aussi, je me rappelle, enfant, être nu, puis bon, ça devient un point de repère, facilement, autant pour les touristes, pour les gens de la ville, depuis Lévis, sur la traverse, du coup, on a cette structure imposante là, qui est placée, en plus, sur le promontoire. Donc, l'architecture est déjà imposante sur un promontoire qui est imposant. Donc, ça reste, on est venu à Québec, le château reste là. Donc, alors, pour moi, c'est important d'avoir ce... Pas votre édifice préféré, non, mais il a une importance que vous reconnaissez. Et je pense qu'une ville a besoin d'avoir un bâtiment emblématique. Ouais. On a un petit peu parlé de l'or du frein, de l'empreinte britannique. Un petit mot sur ce qu'il va laisser à Québec. Bien, en fait, c'est sûr, la terrasse, pour moi, est un élément important. Justement, c'est toujours Charles Baillarger, parce qu'il y a eu d'abord une première section de la terrasse qui a été faite. Après ça, il a poursuivi cette terrasse-là. Je pense qu'encore, on parle du château, mais le château ne serait pas le même s'il n'y avait pas la terrasse. Ouais. C'est d'avoir une espèce de belvédère comme ça qui nous permet de voir très, très, très loin. Et moi, c'est ce que je trouve extraordinaire à Québec. Il y a l'architecture, bien sûr. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est la vue d'abord sur le fleuve. Ce contact avec le fleuve qu'on voit d'en haut, on voit les glaces, on voit les bateaux, le traversier encore, même si ça n'a pas l'effervescence des milliers de bateaux de l'époque. La vue sur les Laurentides, là. Alors donc, j'ai réservé à quelques reprises des chambres au château Frontenac, mais je ne suis pas pour ça avec ma... Puis effectivement, dans la tourelle même. Ouais. Alors donc, on a cette vue avec un paysage grandiose. Là, hein? C'est... Plus qu'un édifice ou l'autre qui vous impressionne, c'est ces percées sur le fleuve qui font de Québec. La beauté de Québec, pour vous, c'est ça d'abord et avant tout? Pour moi, il n'y a pas grand ville encore comme ça. On voit les Laurentides, puis elles ne sont pas construites. Ces terres-là appartiennent au séminaire. Donc, on voit encore des terres inhabitées de Québec. On voit ce fleuve incroyable. Et on a su, c'était intelligent de faire les plaines d'Abraham. Donc, encore tous ces grands arbres qu'on a ici sur la Grande Allée. Donc, je trouve d'avoir cette présence de la nature dans une ville, c'est beaucoup plus grand. Montréal a le Mont-Royal, mais le fleuve, mais c'est pas une telle présence ici. Alors, le plaisir pour moi de la déambulation dans Québec, c'est moins... un bâtiment en particulier que cette présence de la nature et quand même une certaine aussi, je dirais, densité assez agréable. Il n'y a pas trop de séquences, de brisures, donc on peut cheminer agréablement dans cette ville. En tout cas, Pierre Thibault, ça a été un plaisir, un grand plaisir de vous recevoir. Architecte, professeur d'architecture à l'Université Laval, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à l'équipe du Musée national des beaux-arts du Québec pour cet accueil extraordinaire qu'ils nous ont réservé cette semaine. Merci à vous de vous être déplacés. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Donc, si vous voulez, on peut se faire un petit 10-15 minutes avec Pierre Thibault. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous rêvez depuis très longtemps de lui poser toutes. Donc, monsieur d'abord. Un, deux. Bonjour, monsieur Thibault. Bonjour. Ma question, c'est, je veux savoir, de votre atelier à la falaise au nord d'Aiguillon, Saint-Olivier, toutes les maisons sont construites sur le trottoir avec les portes cochères. Oui, oui. Est-ce que les autres quartiers les ont abandonnés ou c'est à cet endroit-là que se sont vraiment tous retrouvés puis ils se sont conservés parce que maintenant, il y a des très... très belles cours, des beaux jardins. Il y a même eu une exposition une fois sur les cours arrière de Saint-Jean-Baptiste. En fait, il y en a eu, si vous allez dans Saint-Roch, vous allez voir aussi des portes cochères. Hein, en fait, plusieurs de ces portes cochères-là servaient parce qu'il y avait souvent des écuries dans la cour. Donc, les gens avec les chevaux, il fallait bien qu'ils les logent quelque part. Donc, souvent, par la porte cochère, ils entraient avec le cheval. Ils pouvaient le laisser dans la... alors, donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, bien, les cours intérieurs comme ça, c'est très précieux parce que c'est ça que je trouve étonnant. On a notre atelier dans Saint-Roch, sur la rue Saint-Jean, mais dans la cour arrière, on n'entend rien. Tu es en plein cœur de la ville et les cours intérieurs permettent d'avoir, de s'isoler du bruit. Et souvent, bien, dans ces cours-là, il y a un grand arbre qui a poussé. Alors donc, on a un contact avec la nature. Et c'est ça qui est fascinant. Et j'aime donner l'expérience de ces cours à mes étudiants. On pense des fois que la ville, c'est bruyant, mais elle offre beaucoup d'oasis de tranquillité. Alors, j'entends jamais, quand je suis dans mon atelier à Saint-Jean-Baptiste, des bruits de tondeuse. J'ai ma maison un peu plus proche d'ici, donc des fois, la banlieue proche même est plus bruyante que la ville. Alors, je pense qu'il y a des exemples. On voit quand on organise bien l'habitation en ville, ça peut offrir des cadres de vie assez exemplaires. Et l'autre avantage, c'est que tout se fait à pied. Hein? On peut, depuis ces quartiers, tout faire à pied. Donc, les étudiants, c'est ce que je trouve formidable. Comme l'école d'architecture est dans la vieille ville, ils habitent tous autour de l'école. J'ai actuellement, en troisième année, la majorité de mes étudiants sont européens, puis c'est ça qu'ils trouvent. Mm-hmm. On n'entend jamais parler de Québec comme une ville piétonne. Mais si on habite ici, près du musée, je veux dire, pratiquement tout se fait à pied. Alors ça, je pense que c'est une des grandes qualités de Québec. Également. Est-ce que c'est faisable? Vous enseignez l'architecture, vous avez des projets, mais en ville, c'est dans les vieilles villes qu'on a ce luxe-là, non? Parce que c'est de l'espace qui est plus disponible aujourd'hui. Est-ce que c'est encore pensable, à l'extérieur des vieux centres, d'avoir ces oasis? Oui, écoutez, il faut les recréer. Ouais. Mais je dirais, c'est pas dans notre... je voyage à travers le monde, puis je vois qu'on développe des nouveaux quartiers avec des prémices comme celle-ci. Je pense à Copenhague, les nouvelles habitations, on garde l'idée de la cour intérieure. Malgré le prix du pied carré, parce que c'est ça la réalité. Hein, souvent. Mais alors, on est un peu astucieux, on va faire souvent le stationnement en dessous de la cour est légèrement surélevée, donc la cour devient le lieu de partage de l'espace communautaire et le lieu de silence. Et comme ils ont des appartements traversants, ils ont toujours un des côtés de l'appartement qui donne sur la cour intérieure, qui fait qu'on a un lieu de silence, même en ville, pour les habitations. Alors, je trouve qu'on était plus astucieux à cette époque-là pour construire l'habitation. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu générique. Ouais. Je pense que ça n'a pas la qualité. C'est pas parce que le talent n'est pas là, j'enseigne, puis je vous dirais que le talent est là. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser davantage. Autre question, madame? Oui. Quand on se promène à Québec, on parle d'architecture anglaise, d'architecture française. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui distingue l'architecture française et anglaise quand on se promène dans les rues de Québec, qu'on pourrait dire ça ressemble à l'architecture anglaise ou française, des caractéristiques? Écoutez, c'est une bonne question. En fait, je dirais l'architecture française qu'on a eue au départ était beaucoup plus peut-être dépouillée. Hein? Donc, on a eu les bâtiments, les premières églises. Alors, il y avait beaucoup moins d'ornementation. Donc, on travaillait la pierre, mais un peu, comme on dit, on a fait référence à Saint-Malo. C'est quand même des volumes qui sont assez simples. Et on a les murs de refend avec les cheminées là, qui sont très présents. Quand l'architecture est arrivée, l'architecture anglaise, c'était le 19e siècle. Puis là, tout d'un coup, on a eu toutes les influences. Alors, tout le 19e siècle, c'était le néo-roman, néo-gothique. Alors donc, et c'est beaucoup plus ornementé habituellement. Et habituellement, avec un peu plus de hauteur. Hein. On s'est permis, avec l'architecture anglaise, mais on a le bureau de poste, on a, le bâtiment des douanes en bas, on a eu le palais épiscopal ici. Donc, voyez-vous, c'est des bâtiments, quand on les regarde, qui ont une grande présence. Là. Alors, l'histoire de Québec est tellement unique. C'est une ville du patrimoine mondial. Il faut voir, c'est incroyable là, de comprendre qu'on a cette richesse-là à côté de nous. C'est quoi? C'est 4000 bâtiments qui sont inscrits. Alors, c'est quand même quelque chose d'unique au monde. Alors, on a la chance d'avoir ça, ce promontoire, ce fleuve, ces vues sur les paysages et d'avoir cette végétation des grands arbres. J'avais un ami norvégien, un architecte qui est venu à Québec, mais dit, mais qu'est-ce que c'est, ces arbres extraordinaires que vous avez ici? Hein? Le musée en met en évidence plus. Il y en a un devant le musée, mais c'est merveilleux. Alors, je trouve que c'est une ville qu'il faut découvrir à pied. Alors, si vous ne le faites pas encore, offrez-vous des heures de marche. Je le fais plusieurs fois par semaine, puis c'est toujours un ravissement. Et c'est une ville aussi, Québec, qui est belle l'hiver. Hein? Elle reste parce qu'on voit les plaines, on voit ces skieurs de fond, on voit cette patinoire, on voit les glaces sur le fleuve. Donc, c'est pas toutes les villes qui restent belles en hiver. Puis, comme je dis, on voit la silhouette des Laurentides qui change complètement. Donc, je trouve que c'est une ville dans laquelle s'inscrivent les saisons d'une belle façon. Vous êtes en train de me dire, Pierre Thibault, que si je déménage à Québec, je vais apprendre à aimer l'hiver, vraiment? Oui. On déménage? Non, c'est... Non, mais moi aussi, j'habite les deux villes parce que j'ai aussi un appartement à Montréal pour mes différentes tâches, mais j'habite entre les deux villes. Je trouve que Montréal a des attraits beaucoup plus belles l'été. Ouais. Hein, Montréal, on a tous les festivals. Je dirais que c'est une ville qui est extraordinaire. Je dirais qu'elle est un peu plus difficile à apprécier, je dirais, en hiver parce que elle perd, je dirais, son côté immaculé plus rapidement que Québec. Comme il y a des terrains blancs qui ne sont pas accessibles, la blancheur, et j'ai l'impression, je suis peut-être un peu du chauviniste, qu'il fait plus souvent soleil à Québec l'hiver. Je sais, mais c'est peut-être l'orientation de mes fenêtres depuis la maison qui me font dire cela. Peut-être une ou deux questions encore, monsieur? Monsieur Thibault, avez-vous aussi une opinion sur le retour éventuel du tramway? Bien, écoutez, je pense que ça va être une bonne chose. Moi, je pense que je suis très favorable. J'ai été sur le comité de mobilité durable de la Ville de Québec il y a maintenant presque 10 ans, puis on sait ce qu'on avait recommandé, le tramway. Je suis allé donner une série de conférences en France dernièrement, donc j'étais à Lyon, Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, toutes des villes qui ont le tramway. Je trouve ça tellement extraordinaire. Ça fait pas de bruit. Souvent, plusieurs de ces tramways-là, c'était des bombardiers, en plus. Je me dis que c'est quand même étonnant que toutes ces villes-là, c'est silencieux. Et ça amène habituellement un redéploiement pour l'aménagement urbain. Donc, ça redonne, je dirais, le goût aux gens de la ville. Alors, pour moi, peut-être la plus emblématique là-dessus, c'est Bordeaux. J'avais vu Bordeaux avant l'arrivée du tramway, puis après l'arrivée c'est incroyable. Donc, ça va favoriser. On parle de transport actif. Tu prends le tramway, tu redescends ailleurs, tu fais un bout, tu le reprends. C'est pas la même chose que se déplacer en autobus où on était un peu brassé. Je dis pas que l'autobus est mauvais, mais quand tu as le choix entre les deux, je pense que ça va redonner à Québec... ça va la rebrancher sur le 21e siècle. Donc, je pense qu'en termes de développement durable, bien aussi, je pense que plus on aura de gens qui vont prendre le transport en commun, bien moins on aura de congestion. Donc, pour moi, c'est un des projets essentiels pour Québec. Comme l'a été à certaines époques, le tramway à Québec au 19e siècle, je pense que ça aura maintenant à une plus grande échelle. Donc, je le souhaite ardemment. Une petite dernière, peut-être? Dernière question? Oui, madame? Monsieur Thibault, les bâtiments du Vieux-Québec, on en a peu parlé, oui. À part le château, mais tous les beaux, les belles maisons de rue Saint-Louis, Sainte-Geneviève, Saint-Denis, c'est de quelle époque? Bien, en fait, vous avez un mélange quand même. Hein? C'est pas... il y a des... parce que quand même, au moment du régime français, il y avait des maisons. Donc, on voit la construction des maisons, comme je disais tantôt, habituellement, sont assez sobre, un toit en pente qui est assez prononcé des maisons françaises. Et souvent, bien, elles avaient aussi les fenêtres à petits carreaux parce qu'à l'époque, on pouvait pas, les souffleurs de verre ne pouvaient pas faire des carreaux plus grands que ça. Donc, au régime français, la dimension du verre était beaucoup plus petite. Donc, plusieurs ont conservé. Alors, c'est des traits qui nous permettent de retrouver les constructions. Alors, mais il y en a énormément dans la vieille ville. C'est un bonheur de... Je pense que c'est une ville qu'on conserve bien. On a refait les trottoirs, le plaisir de déambuler. Mais comme je dis, de Québec aussi, c'est cette architecture-là. Mais quand on longe les fortifications, c'est toutes les vues qu'on a sur Québec. Moi, je sors de l'école d'architecture, j'ai une perspective, on voit les silos, puis au loin, je vois les Laurentides, donc on est quand même loin. J'adore ces éléments-là, comme quand j'étais dans Saint-Roch, je descendais tranquillement, je m'en allais. Maintenant, je prends la rue Saint-Jean, je vois toute son activité. Alors, il y a beaucoup de diversité, et c'est des balades, comme je dis, qui se font à pied. Alors, je l'ai fait avec un grand plaisir. Je trouve que c'est une pause à la journée. Si tout le monde pouvait faire des pauses comme ça en marchant dans la ville, je pense que c'est un bonheur qui ne coûte rien. Je dirais que j'ai de la difficulté à répondre. C'est un ensemble. Hein? Je n'ai pas un bâtiment pour moi. Comme je dis, c'est vraiment... chacun a des qualités. Hein? Le quartier Montcalm, à une certaine époque, qui est beau, le quartier Saint-Jean-Baptiste. J'ai pas de... Non, c'est ça. Je pense que Québec est une ville incroyable à cause de cette diversité-là. Puis je rajouterais, parce que on en avait parlé avant, j'avais prévu cette question, 2 ou 3 édifices emblématiques, mais en fait, la réponse qui vous a donnée, sans que la question soit posée, c'est que pour Pierre Thibault, c'est vraiment les percées sur la nature, sur le fleuve, c'est ce qui fait la beauté de Québec, plus que 1 ou 2 édifices. Oui. Ouais. Je veux dire, elles sont belles, elles participent à tout ça, mais pour moi, ce qui me reste dans mes balades, c'est beaucoup, c'est grand, c'est contact avec la nature. Et ça, c'est rare. Effectivement, il y a peu de villes, là. Peu de villes qui offrent ce contact privilégié avec la nature. Merci beaucoup.